Juges chapitre 4. Mais les enfants d'Israël se mirent encore à faire ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Ehud fut mort. C'est pourquoi l'Éternel les vendit en la main de Jabin, roi de Canaan, qui régnait en Hatsor, et de l'armée duquel Sisra était le chef, qui demeurait à Roseth des nations. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chariots de fer, et il avait violemment opprimé les enfants d'Israël durant 20 ans. En ce temps-là Déborah prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël. Et Déborah se tenait sous un palmier entre Rama et Bethel, en la montagne d'Ephraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Or elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kédé de Nephtali, et lui dit, « L'Éternel le Dieu d'Israël n'a-t-il pas commandé, et dit, va, et fais amas de gens en la montagne de Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali, et des enfants de Zabulon. Et j'attirerai à toi au torrent de Kizon, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chariots et la multitude de ses gens, et je le livrerai entre tes mains. » Et Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai point. » Et elle répondit, « Je ne manquerai pas d'aller avec toi, mais tu n'auras pas d'honneur dans le chemin dans lequel tu iras, car l'Éternel vendra Sisra en la main d'une femme. » Déborah donc se levant, s'en alla avec Barak à Kédé. Et Barak ayant assemblé Zabulon et Nephtali en Kédé, fit monter après soi 10 000 hommes, et Déborah monta avec lui. Rébé Kenyan, des enfants d'Obab, beau-père de Moïse, s'étant séparé de Caïn, avait tendu ses tentes jusqu'au bois de chêne de Tsaanagim, qui est près de Kédé. Et on rapporta à Sisra que Barak, fils d'Abinoam, était monté en la montagne de Tabor. Et Sisra assembla tous ses chariots, savoir 900 chariots de fer, et tout le peuple qui était avec lui, depuis Haroseth des nations, jusqu'au torrent de Kizon. Et Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car c'est ici le jour auquel l'Éternel a livré Sisra en ta main. L'Éternel n'est-il pas sorti devant toi ?» Barak donc descendit de la montagne de Tabor, et 10 000 hommes après lui. Et l'Éternel frappa Sisra, et tous ses chariots, et toute l'armée, au tranchant de l'épée, devant Barak, et Sisra descendit du chariot, et s'enfuit à pied. Et Barak poursuivit les chariots et l'armée jusqu'à Haroseth des nations, et toute l'armée de Sisra fut passée au fil de l'épée, il n'en demeura pas un seul. Et Sisra s'enfuit à pied dans la tente de Jaël, femme des Bécéniens, car il y avait paix entre Jabin, roi d'Hatsor, et la maison des Bécéniens. Et Jaël étant sorti au devant de Sisra, lui dit, « Mon seigneur, retire-toi, retire-toi chez moi, ne crains point. » Il se retira donc chez elle dans la tente, et elle le couvrit d'une couverture. Puis il lui dit, « Je te prie, donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Et elle ouvrant un baril de lait lui donna à boire, et le couvrit. Il lui dit aussi, « Demeure à l'entrée de la tente, et au cas que quelqu'un vienne, et t'interroge, disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» alors tu répondras, « Non. » Et Jaël, femme d'Ébé, prit un clou de la tente, et prenant un marteau en sa main, elle vint à lui doucement, et lui enfonça un clou dans sa tempe, lequel entra dans la terre pendant qu'il dormait profondément, car il était fort las, et ainsi il mourut. Et voici, Barak poursuivait Sisra, et Jaël sortit au devant de lui, et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Et Barak entra chez elle, et voici, Sisra était étendu mort, et le clou était dans sa tempe. En ce jour-là donc Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la puissance des enfants d'Israël s'avançait et se renforçait de plus en plus contre Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils l'eurent exterminé.